Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Erica. Bonjour. This is an upper intermediate lesson. Donc aujourd'hui dans cette leçon, nous avons un garçon, un petit garçon qui revient chez lui et il a sa mère qui l'attend devant la porte. Yeah, he's in big trouble. Et il va avoir de gros ennuis. Oui, alors voyons ce qu'il a fait et pourquoi sa mère est si en colère. Alors on écoute ce dialogue tous ensemble. Adrien, où t'étais passé ? J'étais chez Mathieu, maman. Je te l'ai dit, on joue aux jeux vidéo. Non mais t'as vu l'heure ? Je me suis fait un sang d'encre. Pourquoi tu m'as pas appelé pour me prévenir que tu rentrerais aussi tard ? Je sais pas, on s'amusait bien. Je n'ai pas vu le temps passer. En plus, devine ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ton bulletin de notes. Oh non. Voilà ce qu'il dit. Élève distrait, passe plus de temps à regarder les filles qu'à écouter ses professeurs. Mais c'est n'importe quoi. Je les écoute, les professeurs. Mais j'y peux rien si leurs cours sont inintéressants. Ah, leurs cours sont inintéressants, donc tu sèches les cours, c'est ça? Je vois ici que tu as plus de 5 absences injustifiées. Écoute, maman, je comprends pas. L'administration a dû faire une erreur. Il y a un autre élève qui s'appelle Adrien Leblanc dans l'école. Ils ont dû me confondre avec lui. Non, mais tu crois que je suis tombée de la dernière pluie ou quoi? Écoute, ça suffit. Je veux plus entendre tes excuses. Il est temps que tu apprennes que la vie n'est pas un jeu. Donc les jeux vidéo, les soirées chez Mathieu ou je ne sais qui d'autre, c'est fini. Tu es privé de sortie. Qu'est-ce, Adrien? Quel enfant terrible. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Au début, quand il revient chez lui, sa mère lui a demandé où tu étais passé. Alors, où étais passé, Adrien? Il jouait aux jeux vidéo. Chez Mathieu? Oui, chez son ami Mathieu. Alors, comme tu es chez mère, elle dit ces phrases... Ça elle rappelle dit... l'enfance. Oui, elles sont souvent inquiètes. Tu as vu l'heure? Tu n'as pas de montre? Qu'est-ce qu'elle dit après? Je me suis fait un sang d'encre. Se faire un sang d'encre. Terriblement inquiet. To be worried sick. Oui. Les mères souvent, elles se font un sang d'encre pour les enfants. Ouais. Ceux-ci sont disparus. S'ils n'ont pas appelé. Ils ont oublié l'heure. Alors, elle s'est fait un sang d'encre parce qu'il n'a pas appelé. Il ne l'a pas prévenu qu'il rentrerait tard. C'est inacceptable. Mais bon, lui, il a la réaction typique des enfants. Ouais. Il me dit, mais bon, moi, je m'amusais bien. Il comprend pas, en fait, le pauvre Adrien. Calme-toi. Ça va, maman. C'est pas grave. Et il n'a pas vu le temps passer. Oui. Alors, en français, on voit le temps passer. C'est bien ça. C'est l'expression. Généralement, c'est ce qui se passe quand on s'amuse. On ne voit pas le temps passer. C'est vrai, ça. Mais là, il n'a pas de chance, notre Adrien. Oui, parce que c'est pas la seule raison pour laquelle elle est en colère. Ouais. Aussi, aujourd'hui, elle a reçu quelque chose. C'est quoi? Le bulletin de notes. Le bulletin de notes. Oh, no. Je peux dire qu'il y a des moments, les enfants, ils ont vraiment peur quand le bulletin de notes arrive. Où on voit le résultat du dernier semestre. Ouais. Et Adrien, évidemment... Oh non. Il n'était pas un très bon élève. Alors, les professeurs, ils ont fait quelques remarques. Et oui, on le voit dans le commentaire. Élève distrait, quelqu'un qui n'est pas attentif, qui passe plus de temps à regarder les filles qu'à écouter les professeurs. Mais il est garçon. C'est normal, non? N'essaye pas de le défendre, Erika. Ok, bon, je ne vais pas. Attention, il faut dire passer du temps à faire quelque chose. Oui. Par exemple, comment tu as passé le temps hier soir? Moi, j'ai passé plus de temps à regarder la télévision qu'à cuisiner pour ma copine. C'est gentil, ça. Oui, elle était très heureuse. Et toi, qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai fait plusieurs choses. Hier soir, j'ai passé du temps à regarder la télé. Aussi? À lire un bouquin. Bien. J'ai passé du temps à répondre aux emails. Et j'ai passé du temps à faire le ménage. Ah bon? J'ai fait tout ça. Mais il faut remarquer qu'on emploie l'infinitif là, même si c'est au passé. Alors j'ai passé du temps à faire ça, même si c'était hier. Exactement, ouais. Ok. Alors, il répond comme un enfant en français pour dire « whatever ». Oui. On dit en français « mais c'est n'importe quoi ». Ouais. « Whatever, mais c'est n'importe quoi ». C'est pas vrai. Donc, il dit « je les écoute, les professeurs ». Alors, « je les écoute, les professeurs ». Pourquoi on met pour le mot « les » là deux fois? Donc, en fait, il veut bien insister. « Je les écoute, les professeurs ». Voilà. « Je les comprends, tes raisons », par exemple. C'est un très bon exemple ici, ouais. Je ne les regarde pas, les filles. Par exemple. Mais il donne son excuse, il dit mais je n'y peux rien si leurs cours sont inintéressants. Ok. Je n'y peux rien si. I can't help it if. Voilà. It's not my fault if. Par exemple, si quelqu'un me pose une question, je peux dire « Mais je t'ai répondu, je n'y peux rien si tu ne m'as pas entendu. » C'est vrai. Ici, Adrien aurait pu dire « Je t'avais dit que j'allais chez Mathieu, je n'y peux rien si tu as oublié ou... » It's not my fault. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'y peux rien, si. Alors, on apprend que Adrien, comme il est, il n'est pas sérieux. Carrément. Parce qu'il a 5 absences injustifiées, ce qui veut dire qu'il a séché les cours. Donc l'expression sécher les cours. To skip class. Ouais. Quand tu étais à l'école, est-ce que tu séchais les cours? Ça m'est arrivé, oui. Spécialement le cours de gymnastique. Moi aussi. C'est pas un cours, ça. Pour moi, j'apprends rien. Donc tu trouvais ce cours inintéressant? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai dit au cours au professeur de gymnastique. Je lui ai dit, mais je n'y peux rien. Faire du sport, pour moi, c'est inintéressant. Voilà. Mais il n'était pas d'accord. Ça m'étonne. Alors, Adrien, il est vraiment malin, lui. Ce qu'il dit après, maintenant, il dit vraiment n'importe quoi. Il dit que c'est même l'administration qui a dû faire une erreur. Oui, c'est pas vraiment lui dont on parle. Mais d'un autre élève qui s'appelle Adrien Leblanc. Quelle coïncidence. Ouais. Et par hasard, cet élève, c'est lui qui sèche les cours. Oui. Alors évidemment, ils ont dû confondre Adrien avec cet autre élève qui s'appelle Adrien. Et puis, on apprend comme on dit en français, « Do you think I was born yesterday ?» Tu crois que je suis tombé de la dernière pluie? I didn't fall from the last raindrop. Alors, c'est fini pour Adrien. Elle en a assez. Elle ne veut plus entendre d'autres excuses. Ouais, elle va le punir. À partir de maintenant, les jeux vidéo, c'est fini. Les soirées chez Mathieu, c'est fini. Ou je ne sais qui d'autre. Je ne sais qui d'autre. Or whoever. Yeah. Les jeux vidéo ou je ne sais quoi d'autre. Or whatever, he's grounded. Ouais. Il est privé de sortie. Bon. Maintenant, il est temps de rejoindre le pauvre Adrien et écouter ce dialogue. Adrien, où t'étais passé? J'étais chez Mathieu, maman. Je te l'ai dit, on joue aux jeux vidéo. Non, mais t'as vu l'heure? Je me suis fait un sang d'encre. Pourquoi tu m'as pas appelé pour me prévenir que tu rentrerais aussi tard? Je sais pas, on s'amusait bien. Je n'ai pas vu le temps passer. En plus... Devine ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ton bulletin de notes. Oh non. Voilà ce qu'il dit. Élève distrait, passe plus de temps à regarder les filles qu'à écouter ses professeurs. Mais c'est n'importe quoi. Je les écoute, les professeurs. Mais j'y peux rien si leurs cours sont inintéressants. Ah, leurs cours sont inintéressants, donc tu sèches les cours, c'est ça? Je vois ici que tu as plus de 5 absences injustifiées. Écoute, maman, je comprends pas. L'administration a dû faire une erreur. Il y a un autre élève qui s'appelle Adrien Leblanc dans l'école. Ils ont dû me confondre avec lui. Non mais tu crois que je suis tombée de la dernière pluie ou quoi? Écoute, ça suffit, je veux plus entendre tes excuses. Il est temps que tu apprennes que la vie n'est pas un jeu. Donc les jeux vidéo, les soirées chez Mathieu ou je ne sais qui d'autre, c'est fini. Tu es privé de sortie. Now it is time for the subjunctive tip of the day. Tung, tung, tung. Today, the expression is il est temps que. Oui. What's the sentence in the dialogue that has it? Il est temps que... Tu apprennes que la vie n'est pas un jeu. For example, in the dialogue, il est temps qu'il apprenne que la vie n'est pas un jeu. Oui. Il est temps qu'il prenne l'école au sérieux. Il est temps qu'il comprenne qu'il faut plus étudier et moins s'amuser. Et moins regarder les filles. Et moins regarder les filles. Par exemple, il est temps qu'il soit sérieux. Okay, so il est temps que use the subjonctif. So Amory, the other day, pourquoi tu n'étais pas à la fête? On ne pouvait pas te trouver. Oui. Tu n'as pas appelé. Où tu étais passé? Non, mais j'ai une bonne raison, c'est que j'ai ma copine qui était malade. Mais c'est n'importe quoi. Je l'ai vue après. Elle n'était pas malade. Nice try. Tu penses que je suis tombée de la dernière pluie? Mais je ne comprends pas. Elle était avec moi. Tu n'étais pas avec ta copine. Et en plus, tu aurais pu nous prévenir que tu ne pouvais pas venir. Parce que moi et Christella, on s'est fait un sang d'encre. On ne savait pas si quelque chose de mauvais était arrivé. Pourquoi tu n'as pas appelé? Ouais, mais je n'y peux rien si j'avais perdu mon téléphone. You're right. Non, mais tu crois vraiment que tu ne l'as pas confondu avec quelqu'un d'autre? Non. Tu es sûre que c'était ma copine? Oui, j'en suis sûre. Je crois que tu jouais aux jeux vidéo hier soir, c'est ça ce que tu faisais. Mais la prochaine fois, il faut nous prévenir. Il est temps que tu fasses attention aux autres. Ok, je suis désolé, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me priver de sortie? Non. Je vais appeler ta mère. Et ma copine aussi. Oui, ta copine. Et voilà. Bon, d'accord. Donc maintenant, il est temps de terminer ce dialogue. On se retrouve sur FrenchPod. Yes, come to the site. À bientôt, les amis. Merci, au revoir.